rencontré Aya nan Port-au-Prince. Depi m ap mache m pa jan mwè sa. Nan kanson plake pou wè dadal. Si wè sa mèche, lè la fè mache, son moul ka poule. Jean-Moi ça. Ta canson c'est toi.